Voir encore une fois ce matin. Et hier, pendant que je. Pas hier, vendredi, pendant que je montais dans l'autobus, je pensais à vous, en tant qu'Église. Et j'ai passé un temps avec dans la prière. Et je bénissais le Seigneur pour vous, en tant que croyant de Val-d'Or. La lumière que Dieu a établie ici. Dans cette ville depuis. Luc, depuis combien de temps? Combien d'années hein, ça a commencé? Et nous sommes en 38? Dans ce coin-là, en tout cas, hein, 38-39, ça fait au-dessus de 70 ans maintenant que Dieu a établi une lumière ici, que varié en watts. Des fois, il y avait plus de watts, des fois moins de watts, mais il y avait toujours des watts qui fonctionnaient. Et je me réjouissais de l'impact que l'Église de Val-d'Or a eu sur le Québec à travers les 70 ans. Il y a des gens que je rencontre un peu partout à travers le Québec qui ont eu des relations avec des gens de Val-d'Or. Des parents, des grands-parents, des amis qui ont été sauvés, qui ont été mis partout à travers le Québec, à cette heure, qui ont connu, qui ont passé à travers l'Église de Val-d'Or dans leur histoire à quelque part. Et on n'est pas toujours conscient. Une fois que j'étais arrivé, j'étais à Casselman. Et je suis là un dimanche matin pour annoncer la parole. Et pouf, je vois quelqu'un de Rouen, qui avait connu ça à Rouen, qui était rendu à Casselman. Puis là, il avait 5 enfants, il était marié. Je me dis, hey, des fois, on se demande toujours rendu tout le monde, mais ils sont à quelque part. Les enfants de Dieu sont à quelque part avec d'autres enfants de Dieu. C'est ça qui est intéressant et réjouissant. Donc, on va, si vous voulez bien, commencer notre temps ensemble par la prière. Notre Père du ciel, il n'y a seulement que toi qui vois toute la photo, qui vois toute l'Église. Tu peux regarder d'un simple regard, tu vois tous tes enfants de tous les temps. Et je suis convaincu qu'ils sont là par millions. Nous, on n'en voit seulement qu'une petite partie. Et souvent, c'est ça qui nous empêche de te louer comme tu m'aides. Mais on veut ce matin, encore une fois, s'arrêter et regarder à ce que tu nous as dit, ce que tu nous as révélé de toi. Et on veut que ça serve, comme on le dit à plusieurs reprises de jour ce matin, ça va ta gloire. Et la gloire de ton Fils bien-aimé. Amen. Je ne sais pas si ça vous fait un petit glow quand quelqu'un vous dit « J'ai pensé à toi hier. » Ça vous fait-tu un petit glow? Ça vous fait-tu quelque chose à l'intérieur? Ou maintenant quelqu'un va vous dire « J'ai rêvé de toi hier. » Là, on dit « J'espère que tu n'as pas fait un cauchemar. » Ça nous fait un petit quelque chose de savoir que quelqu'un a pensé à nous. On ne dirait pas toutes les raisons pourquoi ça nous réjouit, mais en tout cas, ça nous réjouit que quelqu'un pense à nous. Et ce matin, on va regarder quelqu'un qui a pensé à nous, ben ça fait bien longtemps. Quelqu'un qui a pensé à nous, on n'est même pas capable de mettre un espace-temps dans ça. Tellement que ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous êtes des fois comme moi, je vais m'asseoir dans un lieu tranquille et je vais penser à des choses que c'est pas pensable. Pas négatif, je pense. Des choses qu'on ne peut pas savoir, mais on essaie de savoir en imagination, en pensant. Et c'est pas que j'avais déjà assis de dire, d'essayer d'imaginer le temps où il n'y avait rien d'autre que Dieu. Rien n'existait. Là, tu essaies dans ta tête, tu essaies d'avoir une image, parce qu'on essaie de faire des images, on essaie d'avoir une image. On voit juste un jour tout noir, on voit rien. Là, tu essaies de voir quelque chose, puis on voit rien. Et ce matin, on va reculer dans le temps. Lorsque le temps s'arrête, on va aller un peu en arrière. Avant que le temps commence. On va voir qu'est-ce qui s'est passé là. avant que le temps commence. Hein. Des fois, on dit de toute éternité dans le futur puis dans le passé, mais il y a un temps où c'est dur pour toi de comprendre qu'il n'y avait pas de temps qui existait. Pour Dieu, le temps n'existait pas. Tu sais, ça faisait longtemps. Pour Dieu, ça n'existe pas dans son langage, ça, pour lui. Ça faisait faire longtemps, ça n'existe pas. Le temps n'existait pas, il était en dehors du temps. Nous, on dit que, ah, que ça passe vite. Ah, que ça passe vite. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce qu'il y a des événements qui se sont écoulés. Il y a de l'heure, il y a du temps. Mais Dieu ne peut pas dire que ça passe vite. Ça passe. Il est toujours pareil. Lui est immuable. Il ne change pas. Il n'y a rien qui change en lui. Si je me regardais puis je me, dans le miroir de ma tête, puis je suis toujours pareil. Je ne dirais pas que le temps passe vite. Je ne dirais pas que le temps passe vite. Je me regarde des fois, je dis, ah, tu sais que ça passe vite. Tu sais que ça passe vite. Les cheveux viennent blancs, me semble, de nuit. Mais, ça passe donc vite. Cette semaine, je parlais avec mon épouse. Nos enfants ont 32 ans, ont 30 ans. Mon ami, que le temps passe vite. Mais ça, c'est parce que je regarde des choses, là. Mais si rien ne changeait, on ne dirait pas ça. On dirait pas ça. Mais Dieu est comme ça, lui. Il était là. On dit tout le temps, dans le temps, mais il n'y avait pas de temps. Et Dieu, ça, il n'y a rien qui passait. C'était toujours pareil. C'est, pour nous autres, c'est un petit peu. On a de la misère avec ça un petit peu. Hein? On change de sujet avant. Oui, parce qu'on n'est pas capable de comprendre cela parce que nous, on est limité. On est dans le temps. Là. On est dans l'espace. On se déplace. Une fois, j'ai dit à mon garçon, je faisais nos petits cultes de famille, puis je disais à mes enfants, savez-vous que Dieu ne change jamais de place? Et Dieu, tu sais, les enfants de 12 ans, tu sais, là, non, ben oui, la Bible a dit Dieu a descendu. Il ne peut pas descendre. C'est un langage humain, ça. Il ne peut pas descendre. Il est déjà là. Dieu est partout, qu'on dit. Donc, il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas aller l'autre bord. Il est déjà l'autre bord. Il ne peut pas monter. Il est déjà en haut. Il ne peut pas descendre. Il est déjà en bas. Donc, il ne se déplace pas. Pour nous autres, c'est un concept assez énervant. C'est un peu énervant. Une fois, dans un autre petit culte familial, je faisais cette interview de Dieu avec mes enfants. Dieu n'apprend jamais rien. Il n'apprend jamais rien. Il sait tout, de toute éternité. Il n'apprend jamais rien. Ça nous dépasse, hein? Nous, on est constamment en train d'apprendre. Lui, il n'apprend jamais rien. Fait que quand vous priez, vous dites, apprenez jamais rien, vous savez. On lui dit, jamais quoi, nous autres, là? Il sait déjà toutes choses. Ce qu'il dit avant que tu ouvres ta bouche, je sais déjà ce que tu vas dire. Fait que c'est vraiment spécial. Mais on va reculer derrière, on va regarder Dieu dans cet espace-là, là, dans ce temps-là, en arrière. Là, il s'est assis, si je peux appeler des mots humains, il s'est assis autour de la table avec Jésus, avec le Saint-Esprit, puis il a pensé à moi. Il a pensé à moi. Par mon nom, il me connaissait déjà. Ça fait des frigues dans ma petite tête. Que dans le passé, aussi loin que je pourrais pas aller en arrière, lorsque le temps arrête, Dieu pensait à moi. Il me connaissait déjà. Il savait déjà toute ma vie. Hier, je suis venu à la chapelle hier ici, et je me retournais chez les papillons, et j'ai écouté une cassette de John, un iPod avec John MacArthur, j'écoutais ça. Puis John MacArthur essayait d'expliquer à des gens qui ne sont pas croyants, parce que c'était une émission qui passait sur la radio, essayait d'expliquer la souveraineté de Dieu, comment ça fonctionnait. Et plus il parlait, plus c'était difficile à comprendre, il me semblait. Parce qu'on essaie d'expliquer des concepts qui dépassent l'entendement humain. C'est toujours pour Dieu, pour nous autres, les humains, d'expliquer Dieu. Et si vous compreniez comme moi, les gens qui essaient d'expliquer Dieu, sans connaître Dieu, sans que Dieu les aide, ils inventent toutes sortes de choses. Là, moi, j'ai une des choses qui m'a aidé à croire en Dieu, c'est que le Dieu en qui je crois maintenant, j'aurais jamais été capable de l'inventer. Je peux inventer Hercule. Je peux inventer Bouddha. peux inventer, j'aurais pu l'imaginer, Bouddha. J'aurais pu imaginer ça, moi, genre de bonhomme demain, dans ma tête. Mais inventer Dieu, ou penser à Dieu, ou monter une religion autour de Dieu, là, comme il se révèle aujourd'hui qu'on connaît, on n'aurait pas été capable. C'est en dehors de nos concepts humains. Et ça mène à croire que je peux pas, l'être humain ne peut pas avoir inventé un tel Dieu. Il n'aurait pas été capable. Donc ça mène à croire que c'est le vrai Dieu. C'est le vrai Dieu qui est dans ce sens-là. Et on va regarder dans l'Épître aux Éphésiens, si vous voulez y tourner, chapitre 1. Et toute l'Épître aux Éphésiens, si vous me permettez comme cela, tourne à l'entour d'un mot qui a deux lettres. C'est le mot? Quel mot? Deux lettres. C'est pas je, c'est pas il. C'est pas tu. C'est pas nous, c'est pas vous. C'est pas il au pluriel. Deux lettres. C'est pas et. Un. On est arrivé. Un. Le mot, ce petit mot-là revient 30 fois dans l'Épître aux Éphésiens. 30 fois. Un. Je suis un Christ. Je suis un Dieu. C'est plus fort qu'avec. Hein? C'est plus fort que je dirais je suis avec Christ. C'est déjà bien, c'est déjà formidable, c'est déjà glorieux d'être avec Christ, d'être avec Dieu. C'est déjà très privilégié d'être avec. Là, c'est plus loin, il va pousser plus loin, il va dire je suis maintenant en Christ, ou Christ est en moi. Mais moi, j'aime mieux dire je suis en Christ. C'est vrai aussi que Christ est en moi, Paul l'a dit. Mais j'aime mieux dire, je suis en lui. Avez-vous d'autres expressions dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui seraient un synonyme d'être en Christ? Des choses qui vous viennent à l'esprit. Un exemple, Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la même expression. C'est tellement fort que Paul, il ose dire, j'existe plus. Je suis mort. C'est quelqu'un d'autre qui vit en moi. C'est fort pour moi, ça. Tu te réveilles le matin, c'est quelqu'un d'autre qui est là, dans toi, tu dis, wow! C'est fort comme concept. Ou, ben là, vous avez peut-être l'Épître aux Romains, chapitre 6, il dit, nous sommes devenus une même plante. On est devenus une plante. C'est pas deux plantes, c'est une plante. Moi, je trouve ça formidable de penser ça, que je forme une entité avec Dieu. C'est fort comme concept. Hein? C'est, il n'y a pas d'autre mouvement religieux qui dit ça. Il n'y a pas personne qui va dire « Je suis un avec Bouddha ». Personne qui dit ça. Ils sont pas capables de dire ça. Nous, on peut dire, comme Jésus a prié dans Jean 17, « Père, je prie qu'il soit un avec nous. » Soit un. Pas en train de dire qu'on est devenu Dieu. Qu'on n'est pas mal. On n'est pas devenu des divins. Là. Mais on est devenu un avec le divin. C'est tellement fort, vous allez voir dans le livre aux Éphésiens et ailleurs dans la Bible, qu'il est impossible et inimaginable d'en être séparé. C'est tellement fort qu'il est impossible de les séparer. Écoute, sont unis. Alors, vous avez vu de la colle qui est tellement forte que vous collez deux morceaux, si ça casse au côté de la colle. La colle est devenue plus forte que le morceau que vous avez collé. Et nous, là, on est en Dieu et c'est tellement fort l'union qu'il est impossible de la briser. Impossible. Là, vous avez toutes sortes de versets qui vous viennent à l'esprit, que personne n'a l'air de mettre mon père, papa, on a tous des versets comme ça qui nous disent qu'il est impossible de briser cette union-là que Dieu a créée. Que Dieu a créée. Et quand on devient un avec quelqu'un, ça l'amène des privilèges. Quand on se marie, on dit qu'on devient un. Et normalement, mon portefeuille devient le portefeuille de l'autre. sa maison va devenir ma maison. Hein? On va finir par... Ce qui est en haut est à l'autre. Si on est devenu un, c'est impossible, ça va être le contraire. Si vous prenez des personnes, je ne sais pas si vous avez vu le film Love in New York, quelque chose de même en anglais, en tout cas, mais c'est traduit en français. C'est un monsieur qui est très très riche, millionnaire, très connu. Puis là, finalement, il tombe en amour, en guillemets, il tombe en amour avec la femme de chambre. Dans l'hôtel où il reste. Hein, vous avez vu ça, là? Oui, c'est ça, vous l'avez vu, c'est ça. Vous l'avez vu aussi, c'est correct. Et là, tu découvres que cette femme de ménage devient finalement, à la fin du film, la femme du millionnaire, la femme du gars qui est très connu. Donc, lui, il se faisait toujours prendre en photo. Tout d'un coup, cette femme-là, que personne ne connaissait, tout le monde la prenait en photo aussi. Elle a acquis, par son alliance, la popularité, l'honneur. Maintenant, on faisait un petit peu de courbette devant elle, comme on faisait devant l'autre. Le fait qu'elle s'est unie à cet homme-là, lui a donné à cette femme-là tout ce que lui avait. Mais quand que nous, on est unis à Christ, ça nous donne quoi? Ça apporte quoi à nous dans notre vie? Parce que tout l'autre qu'on va voir, on est en lui. On est en lui, on est unis avec lui. C'est ça comme un nuage, on a une paire de menottes qui nous tire après lui. Hein? C'est plus fort que ça, cette femme-là, je suis encore en dehors de lui. Mais si on pouvait entrer dans, si je pourrais entrer par un miracle étant en vous, ça serait plus grand. Là, moi, c'est comme si je serais entré en Dieu ou en Christ. Parce que le mot, c'est, en anglais, on dit « in », mais le mot en latin, ça veut dire vraiment à l'intérieur de. À l'intérieur de quelque chose. Donc, je suis rentré dans la maison. Mais là, c'est encore plus fort, c'est je suis devenu la maison. C'est pas juste rentrer dedans. Et ça, c'est dur pour nous autres de comprendre ce principe que l'union avec Dieu est bien plus forte qu'on peut s'imaginer. Bien plus forte qu'on peut s'imaginer. C'est comme s'il y avait une partie de divin en moi. Je ne suis pas Dieu, là. Mais cette nature que Dieu a fait partie maintenant de ma nature. Qui est ce qu'on appelle les attributs transmissibles et non transmissibles. Des choses qui appartenaient à Dieu, que Dieu pouvait me partager et me donner. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas me donner, mais des choses qu'il pouvait me donner. Donc, je suis devenu une partie de lui. C'est vraiment spécial. C'est un peu l'exemple quand Moïse est devenu, il était adopté dans la famille du Pharaon, l'esclave. Tout d'un coup, il était habillé avec de la soie et de l'or. Il était dans les grandes universités d'Égypte. Parce qu'il avait été adopté dans la famille de... Il est devenu le prince d'Égypte. Hein? Joseph, qui était en prison, tout d'un coup, il se fait, on pourrait dire, adopté par, il devient le père de l'Égypte. Tout d'un coup, il a tous les privilèges qui viennent avec ça. Et nous, on va voir ce matin que quand Dieu nous a unis au Christ, il y a un peu quelque chose qui découle de ça par après, qui est formidable. Donc, si vous êtes dans Éphésiens, on va lire à partir du verset 3. Et dans la langue originale, à partir du verset 3 jusqu'à la fin du verset 12. Jusqu'à la fin du verset 12, c'est dans la langue originale, c'est une phrase. Il n'y a pas de point. C'est une grande phrase qui n'a pas le fait. Nous, on a tout divisé ça en petites phrases, mais pas une grande phrase. C'est, puis, selon certains spécialistes des langues, ils voulaient qu'on. Montrer par ça que c'est un tout. Tu ne peux pas séparer ça, c'est un tout, ça, cette affaire-là. Il n'y a pas de séparation. C'est vraiment intéressant de comprendre ça aussi, ce concept-là, du point de vue littéral. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ça allait jusqu'au verset 14. Pensez ce que nous savons, ça allait jusqu'au verset 14. Donc vous avez vu ce petit mot revenir deux fois, des fois dans la même phrase, en lui, en lui, en lui, en lui. Et c'est quand on prend le temps de méditer, on est comme submergé, comme une vague après l'autre. On dit, ah, oh, au verset 3, oh, c'est déjà beau. Au verset 4, dans la route, c'est encore plus beau. Puis là, on s'en va jusqu'au verset 4, c'est toujours plus beau. Il y a toujours de plus en plus. C'est comme je te dirais, je t'ai donné ça, je t'ai. Ah, fantastique. Non, mais j'ai mis ça par-dessus. Ah, ben, c'est encore plus beau. J'en ai mis encore plus. Ah, ben là, c'est ça. Je vais vous donner un exemple avec mes enfants. Vous permettez, j'utilise mes enfants. J'essaie de ne pas trop bouger ma fille. On avait reçu des cadeaux à Noël d'une église à l'Ontario. Une pleine vanne. Une pleine, je dis une pleine vanne de cadeaux pour mes enfants. Donc on a sorti ça, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Et là, on a commencé à donner des cadeaux aux enfants. Puis là, nos enfants, ils ont donné, Rebecca, elle a dit, papa, il y en a trop! Il y en a trop! Là, elle savait plus, il les mettre dans ses bras, il y en a trop de cadeaux! C'est ça que je fais ici, moi. Là. Je dis à Dieu, il y en a trop, Seigneur. Il y en a trop. Arrête! Il y en a trop. Encore un, puis encore un, puis encore un, il y en a trop tout le temps. Et c'est ça qui est merveilleux, de voir que qu'est-ce qu'il a fait, lui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous avez marqué qu'on a vu les trois. Le Père, on dit souvent en théologie, le Père a créé ou a pensé au salut, le Fils a accompli le salut et le Saint-Esprit a appliqué le salut. Il y a une espèce de fonctionnement entre les trois. Et on les voit ici, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont tous les trois à l'œuvre avant la fondation du monde. On l'a vu dans le verset 4. Avant la création, avant que le temps commence, avant que rien n'existe, Dieu, avec le Père, le Fils et l'Esprit, vont décider des choses, comme on l'a vu à quelques reprises dans le texte, selon leur propre volonté, selon leur bon plaisir, selon leurs propres idées, vont déterminer l'histoire de l'humanité. Ils vont établir l'histoire de l'humanité. Ils vont décréter la longueur de temps que ça va exister. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Si je vous parlais de tous les passages de la souveraineté de Dieu et de ce que Dieu a fait, et que j'oubliais de vous parler assez souvent aussi, ou en équilibre avec ce que nous on fait, vous auriez la conviction profonde que vous êtes des poupées au bout d'un fil que Dieu manœuvre comme ça. J'avais aucun choix. Je vous dirais que c'est la vérité. Mais je suis obligé d'aller sur l'autre côté pour vous dire que vous avez une volonté propre et vous faites des choix personnels. Mais bien des fois, on lit les Écritures et on a vraiment la conviction profonde que Dieu, excusez, a déjà tout déterminé à l'avance et que, pour ceux qui en ont qui disent, vous êtes des fatalistes, les chrétiens, Dieu a déjà tout déterminé. Vous êtes fatalistes. Non. La différence entre le fatalisme, c'est que toute chose s'en va, on n'a pas aucun choix, ça va nous passer, c'est pas ça s'en va, c'est le hasard. Il n'y a rien qui part. Mais Dieu a déterminé des choses, mais avec un but précis. C'est pas fataliste, c'est un but précis là-dedans. Il y a un but précis. Donc, ici, on voit qu'il y en a un qui se fait bénir. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui bénit. Qui est-ce qui bénit le Père ici dans le verset 3? C'est qui dit ça? Béni soit. Celui qui, on dit, on pourrait dire Paul, mais Paul va aller, il va vouloir nous impliquer. Moi, je dirais que c'est les gens du verset 1 et verset 2, les saints, les fidèles, les saints, eux autres, ils vont se joindre à Paul, puis on espère, j'espère ce matin que pendant qu'on va parler, que vous allez vous joindre à ce Paul-là, puis vous allez dire, vous autres aussi, puis je suis certain que vous le faites déjà avant qu'on ait parlé de ça, béni soit le Dieu du ciel et de la terre, le chanté tout à l'heure, béni ce qu'il a fait dans ma vie. Béni sois-tu pour tout ce que tu m'as donné. Et le mot bénir, moi je me souviens les premiers temps que je disais la Bible, ça me dérangeait de dire ça. Parce qu'en tant qu'ancien catholique, on ne disait jamais ça. C'est Dieu qui nous bénissait. Nous, on ne bénissait pas Dieu. Parce que bénir, c'était comme donner quelque chose. C'est Dieu qui nous bénissait, c'est-à-dire qu'il nous faisait du bien. Donner une petite grâce, ou donner un petit quelque chose. Ou Dieu nous a bénis, tu sais. Mais nous, on dit, je bénis Dieu. Oh, puis là, on avait un peu de misère avec ça. Mais ici, le texte, tout simplement, il y avait peut-être d'autres traductions. Il y en a-tu qui ont d'autres traductions que la seconde? Je rends grâce. Donc, on dit, je rends grâce, je remercie. C'est ce que ça veut dire, dans le fond. Je rends grâce, je remercie le Seigneur. Et vous êtes, je vous garantis qu'on en a des raisons, ici, dans le texte, de rendre grâce au Seigneur. Donc, il y en a un qui est béni, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu qui reçoit l'action de grâce, la bénédiction ou la reconnaissance. Les bénisseurs, c'est nous, ceux qui jouissons de ce qu'il a fait. Les saints. Si vous êtes un saint ce matin, si vous êtes un fidèle, du verset 1, du verset 2, vous êtes de ceux qui bénissent. Et ce que Dieu a fait ici, avant la fondation du monde, il l'a fait à tous les saints. Et à tous les fidèles, je vous dis, le mot fidèle ne veut pas dire des bons chrétiens. Vous êtes dans le texte, c'est pas ça que ça veut dire. Les fidèles ici, c'est les croyants. Le mot dans le grec, c'est croyants. À tous les saints et les croyants, de tous les temps, de tous les âges, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de toutes les catégories, de toutes les couleurs, vont recevoir la même bénédiction. Pas des plus, pas des moins. Ici, tout ce que Dieu a fait avant la création du monde, il l'a fait pour tous les saints. Pas pour certains saints. Pas pour les meilleurs saints. Il n'a pas dit, mais là, les pas pires saints vont avoir verset 4 et 5, les meilleurs vont avoir 4, 5, 6, les meilleurs vont avoir 4, 5, 6, 7. Non, non. Tout, à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, tous les saints de tous les temps reçoivent cette bénédiction-là. Ou ces bénédictions, parce qu'il n'y a plus rien. Toutes les bénédictions. Il dit que ces bénédictions-là sont spirituelles. Retenez bien les mots, sont spirituelles. Ici, il y a une différente façon de le voir parmi les théologiens. Donc, il dit que c'est spirituel, donc si ça ne concerne pas, mettons, la santé ou le manger, ou, c'est spirituel. C'est des choses que Dieu dit, je vous bénis, mais dans le monde spirituel, ça n'a pas rapport à ce qui se passe sur la terre. Des fois, on a tendance à croire, parce que vous êtes conscient comme moi que les non-saints, les non-fidèles, ont les mêmes bénédictions que vous. Dieu fait prévoir sur les bons et les méchants, les justes et les injustes. Vous allez regarder, on parle de santé, mais il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui ont une meilleure santé que vous. Si vous parlez de bien-être matériel, il y en a qui en ont plus que vous. Hein? C'est correct. Si vous parlez de la bénédiction, c'est d'avoir les enfants, c'est vrai, ça. Les enfants, c'est une bénédiction, mais il y a des incroyants qui en ont aussi, les enfants, là. Et donc, puis, c'est tout. Il y en a qui disent, mais c'est pas ça qu'il parle des bénédictions spirituelles. Puis, dans le verset 3 jusqu'à 14, il dit là, on parle de rédemption, de l'adoption, tout ça, c'est spirituel. Donc, vont dire que les bénédictions, là, peut-être que tu as une traduction pas mal spéciale tout à l'heure, si tu regardais hein, comment il traduit. Il dit qu'il y en a qui vont traduire que nous a bénis de toute bénédiction qui viennent du Saint-Esprit. Le mot spirituel ne traduit juste par Saint-Esprit. Parce que le mot qui est là, c'est le mot esprit. Ça vient de l'esprit. Dieu par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vous donne des bénédictions. J'ai tendance à aller dans cette direction-là. Les bénédictions que Dieu veut vous donner, il a planifié, organisé dans le temps passé, vont vous être accordées et transmises à cause de ce que Jésus-Christ a fait par le Saint-Esprit. On sait que c'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau, qui illumine nos cœurs, qui nous fait voir clair, c'est le Saint-Esprit qui nous régénère. C'est le Saint-Esprit qui applique toutes les bénédictions que Dieu a planifiées dans le passé, vous donner, ils vont s'accomplir par le Saint-Esprit qui va vous donner avec ça. Il va venir, tu sais qu'on va voir en bas, il va vous commencer par vous sceller du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui accorde ces bénédictions-là. Si on va dans cette direction-là, le Saint-Esprit agit dans la vie des croyants, pas des incroyants. Mais dans la vie des croyants. Il n'y a pas aucun incroyant qui peut dire « je suis régénéré ». Il ne faut pas dire ça, c'est un incroyant. Il n'y a pas un incroyant qui peut dire « je suis un racheté ». Il ne peut pas dire ça, il n'est pas racheté. Mais ça, c'est une bénédiction du Saint-Esprit qui vient là. C'est pour ça que Paul va dire dans certains livres de la Bible, toutes les bénédictions de Dieu sont en Christ. Toutes les richesses de Dieu sont en Christ, et vous allez le recevoir par le Saint-Esprit. C'est automatiquement vrai. Donc, ici, il dit, vous bénissez Dieu, le Père, vous le Fils, le Saint-Esprit. Vous les bénissez parce qu'ils vous ont donné de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et cette expression-là, si vous avez le temps, chez vous, vous pouvez revoir, vous avez cinq places dans l'Épître aux Éphésiens, ça revient. On est assis dans les lieux célestes en Christ. Il y a cinq fois que l'auteur va dire notre ennemi est dans les lieux célestes. La guerre est contre les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Donc, ces bénédictions-là qui nous viennent de la part de Dieu, de la part du Fils, de la part du Saint-Esprit, ont été déterminées, ça vient du ciel, ces affaires-là. Ce n'est pas des choses qui viennent de la terre. C'est Dieu dans le ciel, avant la fondation du monde, qui décide de bénir des gens. Moi, je vois comme une décision qui a été prise dans le ciel. À ma compréhension, la terre n'a pas de pouvoir sur ces bénédictions-là. Ni les accorder, ni les enlever. C'est dans le ciel que ça s'est passé. C'est dans le ciel que ça s'est décidé. Donc, j'ai pas de capacité de changer la décision de Dieu. J'ai pas cette capacité-là. J'ai pas ce pouvoir-là en tant qu'être humain. Donc, il dit qu'il nous a bénis. Maintenant, on va commencer au verset 4 à regarder les bénédictions dont je pense qu'il parle ici à partir du verset 4. La première chose qu'il fait, il dit, « En lui, Dieu nous a élus. » Qu'est-ce que ça veut dire « élire quelqu'un » »« Choisir. » On a des élections. Ça veut dire quoi quand on a des élections? Il y a deux ou trois personnes qui se présentent, mais on en choisit un. Et on laisse tomber les deux autres, s'il y en a trois. Quand vous faites un choix, ça implique qu'il y a des choses que vous ne choisissez pas. Hein? Surtout qu'on a fait un choix, c'est qu'il y a des choses indirectement qu'on rejette. Quand je choisis M. Charest comme le premier ministre du Québec, ça veut dire que je ne mets pas, ça veut dire que je ne mets pas, je pourrais nommer, M. Duceppe. Je rejette M. Duceppe. Que j'en prends le mot positif ou négatif que je voudrais, ça fait le même effet. J'en prends un, je reste l'autre. Ici, Dieu dit qu'il a élu, avant la fondation du monde, les quelles personnes? Je suis obligé de reculer dans le verset 1 et 2, les saints et les croyants, les fidèles. Dieu nous, le mot nous, c'est les saints du premier chapitre, verset. Dieu a élu des gens, des personnes, des saints, les fidèles qui sont là. Il nous a élus avant la fondation du monde. Paul va le dire autrement dans Romains 9, avant qu'on fasse quoi que ce soit, aucune action, positif ou négatif, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. J'ai fait un choix. J'ai aimé que... C'est dur pour nous de voir que Dieu peut faire ces choix-là. Faut dire pourquoi tu n'as pas choisi tout le monde? Grande question. Oui, c'est vrai. Il a choisi les gens. Et c'est les gens du verset 1 et 2, le nous que là, les saints. Avant qu'on soit né, avant qu'on fasse quoi que ce soit, Dieu, dans sa souveraineté, dans son choix personnel de Dieu, il a choisi des hommes et des femmes. Ou des hommes, ou des garçons, ou des filles. Il les a choisis. Et en les choisissant, ça veut dire qu'il y a certains qui n'ont pas choisi. On est obligé de le dire de même. Il y a certains qui n'ont pas choisi. Il les a élus pour deux raisons. Pour que nous soyons quoi? Là, regardez bien. Saints et... Ah, j'aime ça. J'aime ça. Dans ma tête, le mot saint, c'est... moi, j'ai été élevé catholique, vous autres peut-être aussi. Mais moi, pour moi, le mot saint, c'est négatif. Je n'aimais pas les saints quand j'étais jeune. Je ne les pliais pas, puis je ne les aimais pas. Fait que ça a une connotation plus négative dans ma tête. Il faut faire attention, c'est peut-être pas, c'est pas négatif ici. Dans ma tête, c'est négatif à moi. Mais irréprochable, ça, j'aime ça. Ça, je comprends ça, par exemple. Je suis quelqu'un d'irréprochable. Parce que quand j'étais jeune, j'étudiais la vie des saints, qu'on disait, là. Mais ils n'étaient pas irréprochables, eux autres. Fait que je ne les aimais pas plus. On avait ma mère, je me souviens, ma mère a prié à Saint-Christophe. Et que Saint-Christophe, à un moment donné, Saint-Christophe, ils l'ont enlevé du l'autel puis il n'était plus saint. L'Église l'a détrôné, l'a désaintisé, je ne sais pas comment ça, je pourrais dire ça en québécois, il a enlevé sa sainteté. Maman, j'ai prié dans toute ma vie, vous me dites qu'il n'est pas saint. C'est pour ça que je dis que les saints, je faisais un petit peu de travers à tes oreilles. Mais un saint ici, les saints ici, sont aussi errés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas leur faire aucun reproche. Vous faites des reproches à Dieu? Non? Pourquoi? Il est saint, ici. Il est parfait. On ne peut pas lui faire des reproches. Et Dieu dit, moi, je te donne ma sainteté, ma pureté, ma justice, je te donne une partie, et tu deviens à mes yeux, irréprochable. Si vous avez du temps, vous allez ça faire des petites recherches dans la Bible, prenez votre concordance, prenez votre Bible online, marquez le mot irréprochable, puis ça va sortir dans plusieurs places, et puis là, vous pouvez lire ces versets-là, etc., puis vous les appliquez. Quand vous vous sentez sale, non? Appliquez-vous-là. Je suis irréprochable. J'ai tendance à le faire quand ma femme vient me faire des reproches. J'ai tendance à le faire quand d'autres me font des reproches, quand les autres me critiquent. Je dis, oh oui, tu peux tout dire ce que tu voudras, mais j'étais fini, je vais aller lire mes versets, que je suis irréprochable. Parce que je suis irréprochable aux yeux de Dieu. Et c'est ça qui compte le plus, n'est-ce pas? Ça compte bien plus que ce que toi tu peux me dire, ou ce que moi je peux te dire. Je suis irréprochable. Aux yeux de Dieu, Dieu m'a choisi, m'a élu pour me rendre saint et irréprochable devant lui. C'est le juge, c'est lui le personne. Quand je vais arriver au ciel, vous ne vous présenterez pas devant le pasteur, Dieu soit loué. Vous ne vous présenterez pas devant votre mari, devant votre femme, vous ne vous présenterez pas devant les présidents, quoi que ce soit. Vous êtes devant lui. Et lui dit, tu es irréprochable, rentre dans ma présence. Tu es irréprochable. Je t'ai rendu irréprochable à mes yeux. Souvenez-vous, c'est tellement important, frère et soeur, qu'on se souvienne de ça. Quand vous rentrez dans le moment de prière, quand vous allez prendre vos bibles pour la lire, ou que vous êtes à ses yeux irréprochable. Et des fois, je vais dire au Seigneur, comment tu fais pour m'utiliser, moi qui suis un pécheur? Il dit, moi, à mes yeux, t'es irréprochable. À mes yeux, t'es irréprochable. Pourquoi tu te lamentes, là? T'es irréprochable. J'ai décidé de cela avant que le monde commence. Que quand toi, tu viendras au monde en 1950, je t'ai fait naître en 1976. Je t'ai donné mon esprit, tu es devenu irréprochable. J'avais déterminé ça en arrière, dans le passé. Au verset 5, il dit, « Nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Il nous a prédestinés. Ça veut dire quoi, ce mot prédestiné? Il y a deux mots là-dedans. Il y a pré et destin. Hein? Prédestin, prédestiné. Le destin, c'est quoi? La fin. La fin ou un plan. Hein? Un destin, c'est... On était destiné à un petit pain. C'est-à-dire, il ne va pas passer au côté. Son destin, c'est... Tu ne peux pas passer au côté. C'est ça. Dieu a prédestiné ta vie. Il a prédestiné quelque chose pour toi. Avant, une destination, c'est là-dedans. J'ai une prédestination. J'ai déjà prévu où ça va finir ton histoire. Et si j'ai fait ça dans mon amour. Dans, à cause que moi, je suis amour, à cause que moi, je suis amour, je t'ai choisi, toi, et j'ai prédestiné ta vie pour qu'elle finisse dans ma présence, avec moi pour l'éternité. Et puis, j'aime bien le petit verset à la fin du verset qui dit, « Selon le bon plaisir de sa volonté. » Ce n'était pas ma volonté. Jean chapitre 1, ce n'est pas de la chair, ce n'est pas de la volonté de l'homme, ce n'est pas ça. C'est moi, Dieu, selon le bon plaisir de ma volonté, je t'ai prédestiné à être adopté, d'être un enfant d'adoption par Jésus-Christ. Je t'ai destiné à ça. Et on lit ça, mais on ne peut pas faire autrement que dire, wow, merci Seigneur, tout ce que je peux faire, merci Seigneur. J'étais inexistant. J'étais pas, il t'a décidé ça. Tu m'as prédestiné à être adopté dans la famille de Dieu, adopté par Dieu, à cause de ce que Jésus-Christ va faire, selon le bon plaisir de lui-même. Et vous allez voir que quand on va faire les chapitres 2, 3, 4, 5 d'Éphésiens, vous allez voir comment ça va être important pour régler les problèmes de l'Église d'Éphèse. Vous voyez comment ça va être important, ça, pour les aider à régler les problèmes qu'ils ont dans leur Église. Que de se rappeler ça, si vous êtes là dans l'Église, c'est selon le bon plaisir de ma volonté. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques temps, qui parlait de l'Église du Seigneur. J'ai dit, fais attention comment tu parles de l'Église du Seigneur. Tu parles de la femme de Jésus-Christ. Fais attention comment tu en parles. Fais attention. J'ai dit, si tu parles de ma femme comme tu parles de l'Église, je te mettrai une claque en pleine face à quelque part. Et des fois, je pense que si Jésus il serait là, puis que physiquement, il serait comme nous, on serait des claques en pleine face sur nous aussi. De la façon qu'on parle de son épouse, c'est pas toujours élogieux. N'est-ce pas? C'est pas toujours élogieux de ce qu'on dit. Mais lui, dans son amour, nous a choisis. Chacun de vous qui font partie de l'Église ici, il vous a tous choisis. Il vous a tous rendu saint et irréprochable. Il vous a tous adopté dans le même amour, dans la même capacité, par le même sang de Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais moi, des fois, en tant que pasteur, si Dieu m'avait dit de donner le choix de choisir qui c'est dans l'Église, je ne suis pas sûr que vous seriez tous là. Pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est vous qui avez choisi que je serais là. Mais Dieu m'a rappelé à travers mon ministère à plusieurs reprises. Les gens qui sont assis devant toi, ils sont là selon mon bon plaisir à moi, pas à toi. C'est moi qui les ai mis là. Et toi, tu les enseignes, mais c'est moi qui les ai mis là. Puis je les aime tous également, puis j'ai tous le même plan pour eux autres. Ils m'ont tous fini dans ma présence, parfait, irréprochable, parce que moi, j'ai décidé ça. Donc, c'est vraiment un grand destin qu'on a devant nous. Notre histoire est écrite. L'histoire est écrite. Au verset 6, il dit, on va le sauter. Non, on ne va pas le sauter, je n'aurai pas le temps de prier. Pour la première fois, il va nous le dire ici. Mais il va nous dire à plusieurs reprises la raison de tout ça. Le pourquoi de tout ça. Il s'est marqué pour Moi, j'aimerais qu'on le lire ensemble. Okay, on va lire ce verset 6 ensemble. Vous le voyez là? Merci. On va lire ensemble. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Je n'avais pas lié assez fort. On va commencer. Bon, on va lire à partir de là. OK? Je ne bouge pas trop loin. Vous voyez tout, clairement? À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Mais il en manque un peu. Oui. Recule donc, tu peux-tu reculer, là? Verset 5. Ah ouais. On va lire verset 5 aussi. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Mais il manque un pote encore. Pour ça, le bris, c'est quoi, le bonheur? À la louange. À la louange, sa gloire? Oui. Ah oui, à la louange, sa gloire. D'autres, dans la traduction, ça marquait pour célébrer sa gloire. J'essaie de dire des mots, puis j'ai toujours l'impression que quand je dis que les mots sont pas corrects, ils sont pas assez forts. Dieu est là dans le passé, tout seul avec son Fils, le Saint-Esprit, il est là tout seul, et là, il décide qu'il va créer le monde. Puis la raison pourquoi il le fait, c'est pas nous. C'est pas nous. Puis j'ai pas entendu ça souvent prêcher assez fort dans ma tête. C'est pas pour nous qu'il nous a sauvés. C'est pas pour nous qu'il a envoyé le Fils. Pas pour nous. C'était pour lui. Pour sa propre gloire qu'il a tout fait ça. Il dit, je vous ai prédestiné, je vous ai élu, je vous ai adopté. Parce que je veux, moi, être glorifié. Non. Ça, les convertis, puis ils disent, il est bien égoïste, ton Dieu. Il est bien égoïste, ton Dieu, il fait les choses juste pour lui. Ben oui, c'est ça qu'on appelle un Dieu. C'est tout pour nous autres de comprendre que Dieu, à cause qu'il est Dieu, à cause qu'il est divin, il a un besoin inné. Et ce besoin-là, c'est d'être glorifié. C'est tellement fort en lui. C'est tellement fort ce besoin d'être glorifié qu'il décide de créer le monde. En québécois, on dirait pour se faire vanter par tout le monde. C'est en québécois, ça paraît plus pour se faire vanter par. C'est dur pour nous autres de penser comme ça. Hein? Dieu a créé le monde, il dit nous aime, là on parle de nous, il a fait ça pour nous, tu nous as. Là, on a toujours tendance à dire c'est pour nous, c'est pour moi, c'est pour. Non. Vous en jouissez. Mais c'est pas pour vous. C'est pour lui qui l'a fait. Pour rencontrer son propre besoin d'être glorifié. Il y avait un besoin que nous, on ne comprend pas, que nous, on ne saisit pas, parce que ce n'est pas dans la nature humaine. Nature pécheresse, oui, mais pas dans notre nature humaine. Quand Dieu nous a créés, Adam et Ève, dans le paradis, il n'y avait pas ce besoin-là inné d'être glorifié. Mais Dieu l'avait. Et ça a été sa manière de se faire glorifier. Il a créé le monde, il a prédestiné l'agneau de Dieu. Avant la fondation du monde, il a prédestiné votre salut, il a prédestiné la mort de Christ, il a prédestiné des choses, il a établi un plan, il dit, je vais faire tout ça, et tout ça va s'accomplir selon mon bon plaisir, selon ma propre volonté, et je vais être glorifié pour l'éternité par ces gens. Et si vous avez le moindre doute, tournez dans l'Apocalypse et lisez l'Apocalypse, et vous allez voir que des millions de gens, des milliards, des milliards dans le ciel, ils font juste une chose. Ils leur parlent le trône et de l'évitude. C'est la seule chose qu'ils font dans toute l'Apocalypse. Dieu n'est pas à leur service dans le ciel. Vous oubliez ça, si c'est ça votre ciel, vous n'allez pas au ciel. Vous avez une autre place peut-être, mais ce n'est pas au ciel. Au ciel, Dieu est assis sur son trône, c'est un exemple, parce que Dieu est partout. C'est dur à comprendre qu'il y a un trône. C'est une façon humaine de parler. Et tous les millions de chrétiens et d'anges sont autour du trône. Et on a l'exemple de tirer les couronnes et tout ça. C'est toutes des façons d'imaginer, de dire Hey, on est tous là, à l'entour de ce trône, et on adore, et on loue, et on adore, et on loue. Là, mon garçon me l'a dit, ça va être plat, après 1000 ans, ça va être long, ça va être long, qu'est-ce qu'on va faire après 10 millions d'années? Toujours louer, ça me semble. J'ai dit, c'est vrai, des fois je pense comme ça aussi. Mais c'est parce que je ne l'ai pas vu encore complètement. Mais je le vois tel qu'il est, sans aucun filtre. Je vais faire comme les anges ou les archanges qui sont devant son trône, mais qui se cachent la face et qui l'adorent depuis des millénaires et qui continuent à l'adorer. Saint, Saint, Saint, l'Éternel. Ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, puis ils ne se tendent pas, ils s'en donnent, ils sont encore là. Ils connaissent pas encore. Je pense pas qu'ils sont hypocrites, tu sais, on va continuer, pour bien, parce qu'ils vont nous jeter en dehors du paradis, t'sais. C'est pas ça, là. Ils le font parce qu'ils sont remplis de reconnaissance. Et on va être pareil, nous autres aussi, pendant l'éternité. Ben, on est chanceux, on va pouvoir venir la prochaine fois, parce qu'il y en a encore à dire, des ces bénédictions-là. Je pensais toutes les fois le matin, mais je sais pas, je me connais pas encore assez fort. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on est ébloui, on est émerveillé encore une fois, même si ça fait des centaines de fois qu'on peut lire le texte. À quel point tu es spécial, tu es un être à part, c'est ça qu'on dit que tu es ça, tu es un être à part. Les choses que tu fais, il y a juste toi qui peux les faire comme ça, pas d'autre. Il y a juste Dieu qui peut créer un monde comme ça, pour lui. Nous te bénissons. Sans tout comprendre, nous te bénissons. Nous te bénissons non pas parce qu'on est des êtres humains très gentils, mais nous te bénissons parce que tu as mis en nous ton esprit. Et c'est cet esprit qui nous pousse à te louer. Et cet esprit, c'est toi. Tu nous as créé pour te louer, mais tu nous as donné ton esprit pour te louer. Donc, tu nous as aidé, tu nous as donné l'outil nécessaire pour te louer, c'était ton esprit. Nous te remercions, Seigneur. Et c'est pour ça que ce matin, on te donne toute la gloire pour ta vie. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Mm-hmm.